Impression de Berlin, par Pierre Loti. Berlin, où j'arrive au petit jour, me surprit dès l'abord par son luxe étourdissant, tout flambant neuf, son luxe de parvenu, si l'on peut dire ainsi, lorsqu'il s'agit d'une ville. Sur l'avenue des Tilleuls, qui était le centre élégant d'autrefois, avant le Grand Empire et qui a conservé, au milieu du clinquant des rues nouvelles, un certain air de discrétion comme il faut, le hasard me fit loger dans un hôtel genre XXe siècle, où sévit, d'une façon intolérable, la tyrannie de l'électricité, du soi-disant confort, des trop ingénieuses petites inventions. Et je passai là, 3 ou 4 jours de morne ennui, m'évertuant à m'intéresser à quelque chose et n'y arrivant jamais. On me disait « visitez les musées, les palais ». Mais qu'est-ce que ça pouvait me faire, ces musées garnis de tableaux venus d'ailleurs, ces palais en style de partout, sans une note d'art local nulle part, et j'errais au milieu des foules, par les rues où l'on respirait du froid. Bien inélégantes, ces foules, mais polies et bonnes personnes. Des femmes au frais visage, d'un rose exquis d'hortensia, mais portant des chapeaux mal emplumés et des bottines à élastique, avec des chaussettes cachou. Mon Dieu, combien je trouve puéril que ce détail de leurs chaussettes cachou vienne me faire sourire jusqu'ici dans la sérénité hautaine de la mer. Malgré la brume pénétrante et mauvaise, les passants, qui avaient l'air de fort braves gens, je le reconnais, s'exclamaient entre eux sur la clémence du ciel. Ah, le beau temps, l'incomparable automne que nous avons. Mais, par exemple, si le vent de Russie vient à souffler. Et l'envie me prenait de m'en aller plus vite pour éviter ce vent-là. Cependant, par exception, il ne gelait pas encore, c'est vrai. Et dans ce grand bois de chêne, qui est une surprise et un repos en plein centre de la ville, on pouvait presque se promener sans hâte, sous la pluie des feuilles jaunes et des feuilles rousses, un lieu charmant, malgré la pauvreté de sa flore et malgré l'invasion un peu barbare des statues neuves, des recoins tranquilles et quasi sauvages, jouant les dessous de forêts, à 2 pas des tramways, des brasseries, et le soir, comme en éclairpoint, des amoureux partout dans le brouillard glacé. Il y avait aussi pour moi, à l'entrée de ce bois, un petit coin de patrie, où je revenais d'instinct, comme un exilé. L'ambassade de France avec son square, où les rosiers du Bengale fleurissaient encore, grâce à la douceur inusitée de la saison. Et je me rappelle, sur ces fleurs, un matin de soleil, le passage d'un pauvre grand papillon engourdi et lent, qui semblait s'étonner de si longtemps vivre. Un papillon sur les roses, à Berlin, en novembre. On sentait l'anomalie de cela. Je ne saurais vraiment dire pourquoi c'était si mélancolique. Et quand je m'étais longtemps ennuyé dans les rues, je remontais, au déclin du jour, m'ennuyer dans ma chambre, que des radiateurs avaient clandestinement chauffé, sans y amener de gaieté. Accoudé à ma fenêtre, derrière les vitres doubles, je regardais le va-et-vient de l'avenue des Tilleuls, les piétons, les cavaliers, les voitures. Quelle lugubre lumière, à cette tombée du jour. Au-dessus des maisons, là-bas, la coupole du Reichstag allemand, lourde et magnifique, toute dorée, toute neuve, l'air dominateur. Plus loin, toute neuve aussi et toute dorée, une victoire géante, sur une colonne, ouvrait ses ailes dans le ciel pâle. Mes 2 hideux tuyaux d'usine, soufflant des fumées sombres, montaient plus haut que ces choses somptueuses, et d'innombrables réseaux d'électricité courait au-dessus de tout cela, enveloppant ces toits, ces monuments, cette ville, de leurs écheveaux sans fin, comme si des tisserands fantastiques ou des araignées avaient travaillé dans l'air pour emprisonner Berlin de leurs milliers de fils. Et le soleil du nord mourait avec lenteur sur les cheminées de l'usine colossale, sur le dôme du Reichstag allemand, sur la grande femme aux ailes d'oiseaux déployées dans le ciel incolore. Il était si tristement rose, ce soleil oblique, et il semblait venir de si loin. Et quand je m'étais longuement ennuyé dans ma chambre, je redescendais à la nuit, m'ennuyé par les rues, où les myriades de lampes faisaient un semblant de jour blême sur les visages, sur les boutiques, les cabarets à bière et les restaurants à choucroute. Le grouillement de cette ville de près de 200 millions d'âmes, poussée en hâte comme un champignon, emplissait les larges voies droites, sillonnées de rails de fer, et grâce au jeu de ses lampes dans la brume, les maisons à 5 ou 6 étages, en fonte, il est vrai, et en carton-pâte, mais bariolées, dorées, surchargées de clochetons et de moulures, simulaient une vraie magnificence écrasante pour nos maisons parisiennes moins hautes, qui gardent des lignes plus sobres avec le ton gris des pierres. Jusque dans les faubourgs extrêmes, habités par les ouvriers socialistes, toujours la même prétention des façades. Pas de vieux quartiers, pas de maisonnettes, rien que des bâtisses énormes, ultramodernes et saturées d'électricité. J'avais, dès le premier jour, appris qu'ici, où tout est réglé d'une façon pratique et militaire, il y a le haut du trottoir pour les promeneurs qui vont dans un sens, le bas pour ceux qui vont dans l'autre, et machinalement, je suivais sans me tromper les sillages humains. La nuit, quand des souffles plus froids s'engouffraient au carrefour, la lourde gaieté de la bière s'épandait sur la ville. Que de brasseries partout, que de brasseries à musiquette et à tambourinage de foire, et tant de sortes de bières, la pâle, la blonde, la brune ou la noirâtre, servies chacune dans des chopes de forme spéciale, même dans des pots en sapin pour donner un goût de résine. Tous les sous-sols du métropolitain berlinois, aménagés en interminables séries de lieux à boire, s'éclairaient pour la fête nocturne. Sous le va-et-vient des locomotives, cabaret bas, plafond de tôle et de fonte, à décoration simili-orientale ou pseudo-japonaise. Chanteurs genre tyrolien, orchestre s'efforçant de paraître tzigane. Et de minute en minute, ébranlant tout, couvrant d'un roulement de tonnerre les violons et les cuivres, des trains en marche au-dessus de la tête des buveurs. Pauvres gens, dont le seul plaisir des soirs est de s'entasser là, quand il vente ou qu'il neige. Petits bourgeois, ouvriers trop endimanchés, dépensant dans ces dessous irrespirables de chemin de fer toute leur paye, et n'épargnant point, entraînés par la nouveauté du faux confort qui leur est venu et du faux luxe. De la bière et de la bière. De grosses filles rougeaudes, naïvement costumées en bergères des Alpes, vendant des tranches de réfort qui excitent à boire. Et dans les recoins discrets, de petits vomitoriums adossés au mur, avec une inscription de peur des méprises sur l'usage à en faire. Pauvres buveurs entassés, leur cas paraît lamentable. Mais ils n'étaient point antipathiques. Ils avaient plutôt la bonhomie au visage et témoignaient même d'une certaine politesse inconnue chez nous. Les hommes restaient découverts après avoir, en arrivant, distribué à la ronde des petits saluts qu'on leur rendait soigneusement. Nos ennemis, ces gens-là, mais pourquoi donc? Que de malentendus intéressés au fond des haines nationales, et quelle absurdité que les frontières pour qu'ils les regardent de loin et de haut. Et cependant, je me souviens de mon émotion soudaine et de ma révolte en apercevant un matin, sur une place de cette ville, un canon français exhibé comme un trophée. Je m'étais arrêté court devant cette silhouette aussitôt reconnue, un canon de marine, hélas, amené du Mont-Valérien pour parader là, entre des obusiers de chez nous, sur cette place prussienne. Un canon pareil à ceux de certaines corvettes, dont j'eus l'honneur, autrefois, de commander la batterie pendant un bombardement. Ce mécanisme de combat, jadis si familier, vieilli aujourd'hui, semi-barbare, à côté des perfectionnements nouveaux, est devenu objet de curiosité chez des Allemands, attestait pour moi le recul de mes jeunes années, ce qui était déjà nostalgique, par ce matin brumeux de novembre, mais surtout, un sentiment d'un ordre moins personnel m'avait pris au cœur, et mes yeux s'étaient voilés tout à coup. Oui, je crois bien que tout à l'heure, je me trompais. Il y a des frontières encore, et malgré mon détachement de voyageur qui s'en va vers les dédaigneuses sérénités bouddhiques, comme je reviendrai vite à l'appel de guerre. Quel effondrement en ce cas-là, n'est-ce pas, de toutes nos fraternelles théories. De longtemps encore, on aura beau faire, le vieux mot de patrie ne sera pas remplaçable, et un drapeau de certaines couleurs gardera le mystérieux pouvoir, rien qu'en apparaissant, d'entraîner nos âmes et de les grandir. C'est suranné, si l'on veut. C'est absurde tant qu'on voudra, mais c'est irrésistible et peut-être sublime. C'était Impression de Berlin par Pierre Loti.